بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمد مدين أبي أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم وارتفع تمام. فأمس أخذنا ماذا أخذنا أمس؟ ما خطيه؟ تمام. ولا أخي أنا وأنت وهو ما لا يوجد أنا وأنت و أخي كذلك وخرج وذهب بس سكو أنا نعم منفصل يعني مفرد للمفرد المفرد متكلم تمام يعني هو personne qui prend qui نعم employé pour celui qui le locuteur pour celui qui parle تمام. On a vu انت c'était pour نفس الشيء sauf que المخاطب المخاطب يعني مخاطب celui qui et qui est invité مخاطب المخاطب celui qui fait le discours اما المخاطب celui qui est invité le discours لما اكلمك انت المخاطب الان mais ça toi qui fais le discours qui a visé le discours ou un al mukhatab c'est moi qui fais le discours non le khatab c'est autre chose parce que le mukhatab c'est ethnique tu vois c'est il y a un discours qui est fait un discours tu fais pas tout seul voilà voilà le locuteur hein ça là بعض شويه البقيه on avait dit انت on avait dit انا وانت ils font partie يعني c'est un نوع من انواع المعارف المعارف المعارف سل اسم الأعراف بعد لفظ الجلالة يعني هذا بالي dans les arts dans les non définis تمام on a vu ça on a vu le plus bas c'est le معرف بال le plus bas c'est le معرف بال le plus haut sans entrer لفظ الجلالة dedans c'est الضمائر on a vu كذلك الضمائر en eux mêmes il y avait deux paliers تمام أنا ونحن c'est le plus haut au niveau des les choses qui sont définies. Ensuite, anta, anti, antuma, antum, antun, ça c'est le deuxième palier. Pourquoi c'est mutakall, c'est le mukhatab, tamam? Il est plus défini que la personne qui va présenter. Tamam? Huwa, hun, hiya, ila akhirih. Tamam? On a vu les deux paliers. Hatta, la même chose. Ensuite, on a vu kharaja wa zahaba. J'ai pas trouvé. Ah là, j'ai pas compris ça, Bichar. Ah, qadda, je sais pas. Non, il y avait quoi encore? On a vu kharaja wa zahaba. On avait dit que ces choses-là c'était quoi? C'était des choses, des asma, c'était quoi? Des af'al. C'était des verbes. Mal. On avait dit la définition du fi'l madi c'est quoi? Fa'il. Ou bil faranzi. Action faite dans le passé. Faite dans le passé. Wa ma dalla 'ala hadathin. C'est ce qui indique une action. Tamam. Ani hasala. Avant que toi tu parles. Ou un peu avant. Avant que tu parles. On avait dit qu'adalika, c'est pas de manière générale. On avait dit tu peux utiliser l'ordre de madri pour une chose qui va venir. Comme on a vu avec l'aïa. Pour affirmer que ces choses-là vont vraiment à l'inévitable avant. Elle va survenir. Ata amrullah. Après, on avait dit que la définition en elle-même, c'est une chose par laquelle tu peux définir et tu peux différencier entre les autres, comment s'appelle les autres temps verbaux, entre le maadi ou le mudari' ou kazalik aish, al-amr. Le fait que tu connais cette définition-là, tu pourras différencier les autres temps verbaux. Parce qu'en ce moment, on va le voir. Justement, le mudari' ou le hal plutôt. Le hal, c'est un truc, c'est autre chose. Il y a une madala ala hadath qui zamal et takallum, au moment où je parle. Le futur, c'est ma'ruf. C'est lorsque tu parles d'une action qui va à venir. Donc le fait que tu saches que al-madri, c'est une chose qui est passée, le fait que tu saches ça, ça te permet de différencier entre l'action qui est faite à présent et celle qui est faite dans le futur. Donc tout ce qui est présent, tout ce qui indique le futur ou tout ce qui indique une chose qui est présente, c'est pas un truc ma'ruf. Ça, c'est pas un truc, vous avez compris ou pas? C'est pas un truc qui est ma'ruf. On a vu que dans les cas, ça c'est une halama, c'est un signe parmi les signes qui te permet de différencier entre les temps verbaux. Il y a un deuxième signe qu'on a vu, c'est que yanesh, dhul ta'nis, le fait que le ta, sakina, qui est pour le ta'anis, qui est pour le féminin, à partir du moment qu'il rentre dans ce mot-là, c'est un dalil que ce mot-là, c'est un verbe. Et c'est un verbe, bien plus précis, c'est un verbe esh, animardi. Le fait que tu dis kharajat, je vous l'ai mis à l'oral, je crois. Et le fait que tu dis kharajat, le fait qu'il y a ce ta-là, tu le vois à la fin du mot, tu dis bon, là tu peux juger directement que ce mot-là, c'est un verbe, et en plus, c'est un verbe mardi. Tu sais que déjà c'est pas un ism, c'est une harf. Ensuite, tu sais que c'est un fi'al. Et parmi ces affaires, tu sais que c'est quoi? Fi'al, un imari, ou laïsan, ou d'aller, ou la kata, le cas, avant. Toujours précédé aussi d'une fatha. Pas ça, c'est le mahr. Ça, c'est le khada, parce que là, en vérité, le fi'al, c'est le verbe. Ça peut être, là, ce qui évolue, c'est le verbe. Ça peut être une action. Fa'ala dhalika. Yani fa'ala fi'alan, mathalan shani'an. Il a fait une action qui est détestable. Donc c'est ce qu'on avait vu, c'est tout ce qu'on avait vu hier. Il faut d'autres choses. Là, on va lire, on va lire avant la leçon. Et ensuite, Inch'Allah, on va lire. On va expliquer la leçon. Donc faites-moi un tambour, ok? Dès qu'il est 11h. Donc Inch'Allah, Naqra ad-dars. C'est quoi? C'est le khamis, hein? Vas-y, Inch'Allah, on commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qala rahimahu Allah ta'ala, ou qala waffaqahu Allah, al-khamis. Hein? D'accord. Les kalimah jadida, je les ai expliqués dans le cours. Donc Inch'Allah, il n'y a pas de... Al-madrasa, c'est quoi? L'école. L'école. Al-madrasa, c'est l'école. Non, madrasa. L'école. De manière générale. Et une école, c'est pas une jamia. Une école, c'est pas une université. Même en français, il y a une différence. Toi. Même s'il dit école primaire, école kada kada, tu vois. Il y a une. Eux, madrasa. Le collège, c'est madrasa, motawasetaï, tu vois. T'as une petite daïa. Mais eux, pourquoi c'est une madrasa? Ça reste toujours dans le dénommé école. Tu vois. Un madrasa, c'est une école. Yani, c'est ism al-makan min ad-dars. C'est l'endroit où tu vas prendre des doros, tu vois. C'est aram, le sens qu'on a dans la tête en français. Madrasa, c'est ism al-makan. Mais là, le matin, il a dit, yani yutadar rasouf. Là où tu t'instruis. C'est l'endroit où tu t'instruis. Madrasa. Al-fadl. C'est la faveur. Al-fadl. Al-fasl. Al-fasl, c'est la classe. Mais ça peut dire autre chose. Une chose qui est détaillée. Pourquoi j'ai appelé ça, à mon avis, Fossoul? Parce que chaque. Ils ont chaque, c'est comparti, tu vois. C'est que des compartis. Wallah alam, c'est un peu facile. Al-hammam. On avait dit c'est l'hammam, tu vois. À pas faire. Le hammam, c'est pas les toilettes. Le hammam, c'est le hammam, les bains de douche. Al-marhad, c'est l'endroit où. Le composant, l'élément où il y a les toilettes, le robinet, tout ça. Al-matbakh, la cuisine. Al-ghurfa, la pièce, la chambre, tu vois. Al-jami'a, l'université. Al-souq, le marché, tu vois. Al-yaban, le Japon. Al-sin, la Chine. Al-hind, Al-Philippine, Philippine. Al-Mudir, directeur. Zahaba, Kharaja, Khalas. Parce qu'en fait, moi, le truc. Il nous dit Fi, Ala, Wamin, Fi, Ala, Min, Wa, Ila, Min, Huruf, Al-Jar. Comme on a pu le voir. En fait, il fait une Khalasa de ce qui a été dit dans la. Donc le Dors s'est porté beaucoup plus sur quoi? Sur le Huruf, Al-Jar. Dalil, c'est qu'à la fin, il a résumé le Huruf, Al-Jar. Donc ça veut dire que c'était ça qui était voulu. Ce que je t'ai montré tout à l'heure dans la tête, en fait, le maqsoud de l'oral Mais franchement, là, tu es en train de réfléchir. Les tomes de Médine sont bien, tu vois. Mais franchement, ce qu'il y a mieux pour les débutants, c'est Durus al-Arabiya. C'est quoi ça? C'est une méthodologie qui, maintenant, eux, ils vont te rentrer dans les fers. Ils vont t'apprendre la conjugaison. Ils vont t'apprendre. Ça, c'est un peu. Tu sais, ils te ramènent, maintenant, Ismou Ishara, ils te ramènent un peu là, après, ils te ramènent un peu là, après, ramènent... c'est un peu. Tu vois? C'est un peu fait comme ça. Tu peux faire la méthode égyptienne. La méthode al-Arabiya, c'est marrant. C'est même si en trois tomes, et c'est pareil, ça t'apprend la grammaire. Mais d'une autre manière. Mais c'est plus regroupé, tu vois. C'est-à-dire que, mais on a commencé ça, tu vois. Donc, Inch'Allah, on va finir en tome 1. On finira en tome 1. Et ensuite, moi, je vais regarder par rapport à ça, tu vois. Mais moi, le truc que je me rappelle, c'est que, Mathalan, il va t'apprendre bien la conjugaison, tu vois. C'est une méthode qui est beaucoup plus complète que celle-ci. Et beaucoup plus courte. Et beaucoup plus performante. Wallah. De ce que j'ai vu. Tu ressors, mais vraiment beaucoup plus ravi. Surtout l'importance que tu as dans Non, c'est Nahou là. C'est-à-dire que là, c'est un vrai livre de Nahou. C'est-à-dire que le tome de Médine, c'est quoi sa particularité? C'est que lui, il te ramène un peu dans Sarf, il va te ramener dans vocabulaire, il va te ramener dans kada, tu vois. C'est pas que de la grammaire pure. Ah, monsieur là, c'est de la grammaire pure. Yannick, t'as fini les trois tomes de Inch'Allah de son Arabia, tu rentres dans Eikitab. Eikitab, tu rentres, mais à l'aise. À l'aise. Si ce n'est pas l'alfia. C'est non, c'est pas plus dur. C'est que c'est concentré au moins, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas de t'achat tout. Une fois tu vas voir un truc là, une fois tu vas voir Kharaja Huna, une fois tu vas voir Zahaba Huna. Dès qu'il va te ramener le faire le mardi, il va te l'expliquer. Ensuite, il va te ramener la conjugaison, tu vois. Après, ensuite, il va te ramener les semblables, parce qu'on va voir, il y a plusieurs. Il y a des mu'tal, mu'ta'af, il y a des trucs comme ça, tu vois. Maintenant, celui qui achète là, tu vois. Il va t'apprendre. Va t'apprendre la conjugaison, tac tac tac de ces verbes là, tac tac. Et toi, ça va t'aider au parler, parce que une fois que tu vas connaître comment conjuguer les verbes, yallah, t'as plus qu'à apprendre le vocabulaire. Ensuite, tu t'en perds. Allez, t'as Inch'Allah. Donc, nous prenons Inch'Allah fi dars al-khamis. Qala Saïd. Qala akitabu Muhammadin hadha ya Yasir. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir. Est-ce que ce livre est le livre? Non, le 5. C'est Saïd qui parle. Tamam. Donc il dit Akitabu Muhammad Saïd qui parle. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir. Donc il dit est-ce que ce livre-là c'est celui de Muhammad ya Yasir? Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir. Oh Yasir. Yasir. Hein? Ya Yasir. Oh Yasir. Donc ça c'est nouveau. Ah bah c'est nouveau. Hatta kitabu Muhammadin, si vous avez pu voir. Parce que là, pourquoi Muhammadin, il a une kasratin? Pourquoi? C'est ça, en fait, toi, maintenant, il faut que tu te poses des questions directement. Là, tu regardes, toi, tu avais l'habitude, les terminaisons, c'est avec des un. Un. Là, il te dit, akitabu Muhammadin. Toi, tu sais que si la terminaison, par rapport à ce que tu as vu, si la terminaison se finit par in, c'est qu'un harf al-jar qui est rentré. Tu regardes là, tu vois pas de harf al-jar. Donc, il y a une autre chose. Car une particularité, que lorsqu'il sera, qu'il va rentrer dans le mot, il va faire comme le huruf al-jar, c'est-à-dire il va rendre la terminaison à la fin, majrour. Kasara, ou kasaratin, ou mana ba'anhuma. Tu vois? Et là, on va le voir, inshallah, c'est quoi? Al-idafa. L'annexion. Le mudaf ou le mudafiré. C'est pas que l'appartenance, on va le voir, inshallah. Là, c'est un nouveau truc. Hatta kadalika, chauffe, il a dit, ya yasiru. On avait vu juste avant, dans l'alam, on dit quoi? Yasirun, Muhammadun. Pourquoi maintenant, là, il n'y a qu'une dhamma? Parce que il y a qui rentre dedans, on va le voir. Le fait que tu l'appelles, le fait que Naram tu utilises le harf al-nina, il y a. C'est quoi le harf al-nina? Harf al-nina, on va le voir, tout ça. C'est une particularité lorsque ça rentre. Lorsque ça rentre dans un mot. Donc, Inch'Allah, la personne, dès qu'elle rentre dans le dars, il faut pas juste aller à comprendre la traduction. Non, il y a des choses qui ont changé là. Pourquoi? Il faut que tu poses la question directe. Pourquoi? Regardez, chouf. Souma il dit Yasirun. Chouf, on va voir. Yasirun. Dans ma tête, ça Yasirun. Après. Saïd, deuxième phrase. Yasirun, ça. Pourquoi la dans ma tête, là? Juste avant, il y a Yasirun. Il n'a pas dit Yasirun. Donc il y a un truc. Il y a quelque chose qui change. Il y a un Amel qui rentre. Il y a une chose qui a fait qu'à changer la fin. Donc, il y a là, Rakizou, tu vois. Qala. La Hada. Kitabu Hamidin. Il dit non. Après qu'il lui pose la question, est-ce que ce livre est celui de Muhammad et Yasir? Il dit là, Hada Kitabu Hamidin. Non, c'est plutôt le livre de Hamid. Ce livre-là, c'est le livre de Hamid. Sa'idun, il dit, Aina kitabu Muhammadin? Où est le livre de Muhammad? Pourtant, il a défini kitab, mais là, il prend quand même. On va voir. Ah, il y a d'autres trucs. Tu vois? Yasirun, qala huwa ala al-maktabi hunak. Il est sur le bureau, là-bas. Hunak. Ou ici. Il est ici sur le bureau. Sa'idun, aina daftaru ammarin? Il où le cahier de Ammar? Qala Yasir, huwa ala maktabi al-mudarrisi. Il est sur le bureau du professeur. Alors là, c'est encore plus marrant. C'est-à-dire parce que... Ya'ala, et kada kada kada. Voilà. Sa'idun, qalamu man hadha ya Aliyu. A qui appartient ce stylo? Qalamu man hadha, à qui appartient ce stylo? Al-an, avant il savait c'était qui, mais il avait un chèque. Akitabu Muhammadin. Est-ce que c'est le livre de Mohammed? Là, c'est le kitab de Hamid. Maintenant, il ne sait pas à qui il appartient, carrément. Donc, comme on avait dit, lorsque tu ignores une chose, tu n'utilises pas « R ». Tu utilises « ma » ou « men ». « Men », si jamais, c'est un « ra'alam ». Si jamais, on peut le qualifier par la science. Donc là, il a dit quoi ?« Qalamu men ». Parce qu'il ne sait pas c'est qui. Il ne sait pas à qui il appartient. « Qalamu men hadha ya aliyo ». À qui appartient ce cahier, au nom, ce stylo? Ali, قال هذا قلم المدرس. Ce stylo appartient, ou bien c'est le stylo du professeur. سعيد, أين حقيبة المدرس? Il où le cartable ou bien la serviette du la serviette, c'est marrant, c'est pas la serviette pour cela. Ouais, non, je dis ça pour nos frères auditeurs qui pensent que حقيبة c'est une serviette. Après. Le cartable, tu parles le cartable ou la il n'a pas besoin de servir de truc là, ça s'appelle attaché. Non, ça se dit aussi, parce que maintenant, le. Ah, non, donc le petit truc là, léger. Ah, là. T'appelles pas ça un cartable. Ça, tu vois, ça, c'est un cartable. Mais le petit truc il est tout léger là, que tu prends comme ça, là, de mettre les documents, porte-documents là. Ça aussi, ça rentre. Tu peux appeler ça mère pour voir, tu peux appeler cadavre. T'as Qala Ali. Hiya tahta al-maktabi. Après qu'il lui pose la question, ayna haqibatu al-mudarrisi? Où est le cartab du mudarris? Il nous dit, Ali, hiya tahta al-maktabi. Donc il est, ou bien plutôt, il y en a ça qui est en dessous, ou le cartab est sous la table, sous le bureau, enfin, sous le bureau. Tahta al-maktabi. On va commencer par l'idafa? Au-dessous. Non, c'est pas. Est-ce que tu peux dire min tahti al-anhar? Donc on est parmi les points du dars numéro 5 là, qui est important. Écoutez bien parce que c'est ça demande une tarkis. C'est quoi al-idafa? Al-idafa. Le dars d'aujourd'hui, il est autour de al-idafa, le gros, l'important. Sinon il y a d'autres points, mais le gros point qui va être vu aujourd'hui, inchallah, c'est al-idafa. Al-idafa. Qui a pour sens en français l'annexion, mais le fait de lier deux choses. Hein? Entre deux choses, tu veux lier. Tu veux le mettre. Tamam. Donc, il y a une nisbatun bayna ithnayn ala taqdir harf al-jar. Donc, c'est l'annexion. Ou, naham, une action qui est entre deux mots. Donc, deux mots. Ça ne peut pas être entre un harf et un fi'l. Ou entre deux harf. Ou bayna ismu fi'layn. L'annexion, c'est entre deux mots. Bayna ithnayn. Nisba, c'est une annexion. Voilà ça. Appartenance. Nisbatun, une appartenance qui est entre deux. Un lien. Si tu ne comprends pas, tu vois. Il y a nisbatun bayna ismayn ala taqdir harf al-jar. C'est l'appartenance qui est entre deux mots ou deux noms, quand même, dans lequel il est sous-entendu un harf al-jar. Dans lequel il est sous-entendu un harf al-jar. C'est-à-dire, taqdir, une chose qui est sous-entendue. C'est-à-dire que là, lorsque tu fais une annexion, maintenant tu dis Kitab ou Muhammadin, tu as annexé, tu as fait une appartenance entre deux mots là, Kitab et Muhammad. Takdir, sous-entendu. Qaddara. Quand tu dis Kitab ou Muhammadin, tu as fait une appartenance entre le Kitab et Muhammad. Avec, il y avait un sous-entendu qui n'est pas prononcé, c'est un harf al-jar, qui est entre les deux, qui n'est pas prononcé mais qui est sous-entendu. Qui est sous-entendu. Maintenant, là, quand tu dis Kitab ou Muhammadin, ou tu dis Hada Kitab ou Muhammadin, lorsque tu dis Hada Kitab ou Muhammadin, هذا كتاب محمد بس avec l'idafa لا لا كتاب محمد on va mettre la haraka كتاب محمد تمام alors on va voir ça ça c'est direct là juste que vous comprenez la définition de l'idafa هذا كتاب محمد là on a fait une appartenance entre le kitab et Muhammad تمام et ces deux là c'est un nom تمام les deux ils sont un nom تمام الان il nous dit على تقدير حرف الجر يعني entre les deux il y a un حرف الجر qui est sous-entendu comme on peut le voir là il n'est pas là il n'est pas présent là تمام le حرف الجر qui est sous-entendu entre les deux là c'est quoi l'appartenance c'est يعني la possession l'appartenance entre les deux c'est la possession c'est comme si jamais tu disais هذا الكتاب تمام لي نعم محمد ce livre لي c'est on va le voir c'est un حرف qui importe le sens de la possession. هذا الكتاب لمحمد. Ce livre-là appartient à Mohammed. Lorsque tu dis هذا الكتاب محمد, ce livre appartient à Mohammed. C'est comme si jamais tu avais dit هذا الكتاب لمحمد. Tu vois, tu peux dire ça, ça lorsque tu veux exprimer une possession. Une personne possède cette chose-là, tu as le choix entre deux choses. Soit tu ramènes l'âme à Tamlik, la l'âme de la possession. Ou soit tu fais l'idafa. Al-idafa, c'est-à-dire que tu annexes un mot à l'autre. Et c'est par rapport à quoi, par rapport au coup Non, non, tu annexes, bah, kitab ou Mohammed. Ah ouais, tu mets côte à côte. Tu l'annexes, t'as même. Tu peux faire ça et ça. T'as Mais si jamais tu fais l'idafa, t'es obligé d'enlever ça. Et on va voir, il y a d'autres haïks qui vont venir derrière. T'as Mais t'es obligé d'enlever le harf al-dar. Parce que le lien qui fait l'appartenance entre les deux, là, c'est l'aim. On va voir aussi, ça peut être min, ça peut être fi, on va le voir tout de suite avec les exemples, inshallah. Mais ce lam là, là, avec les dafa, comme l'a dit, à l'état de dire, il est sous-entendu. Comme là, là, c'est le cas. Là, c'est compris la définition. Il y a nisbatun bayna smay, à l'état de dire, harf jar. Donc, le harf jar est sous-entendu dedans. Vous avez compris l'exemple ? Il est sous-entendu. Mais c'est lui qui fait le lien d'appartenance. C'est le lit là. L'appartenance entre les deux, c'est quoi? C'est la possession. Entre le kitab et Muhammad, c'est quoi l'appartenance entre les deux? C'est la possession. Tamam. Nisbatun bayna smayni al-tadjar harf al-jar. Tamam. فيسمى الأول الخميس النم مضاف والثاني مضاف إليه الخميس يبقى لابن مضاف مضاف والثاني مضاف إليه أي إلى المضاف مضاف ومضاف إليه. بس كده إليه سكوال ها هنا المضاف. تكم سيدي مضاف إلى المضاف. أنكسى ومضاف. لي ومضاف. بس كده مضاف إليه. بس كده الشخص يبغى يعمل لها لا صار يعني كوا. إلى المضاف. إلى المضاف. يعني سي سيلفي كي أنكسى. على أنكسى. لا. يه يه يه. زعمت بامير. لها. أنكسى ولا أنكسى. تعرف سيدي Alors, je suis en train de dire. En tout cas, mudaf, mudaf ilayh. Mudafun wa mudafun ilayh. Tamam. Donc, le premier on l'appelle mudaf, fa yusamma al-awwal mudaf et thani yusamma mudafun ilayh. Tamam. Le premier mot c'est mudaf ilayh. Al-mudaf c'est le premier. Mudafun. Le premier c'est mudaf. Et le deuxième c'est mudafun ilayh. Tamam. Comme on a dit, donc on a dit qu'il y avait une nisba entre les deux qui est sous-entendue par harf al-jar. Donc cette nisba là on va le voir qu'il n'y a pas qu'une seule nisba, il n'y a pas qu'une seule appartenance, elle peut être de plusieurs sortes. C'est pour ça qu'on a dit wa nisbatu bainahuma tamam wa nisbatu bainahuma ay bain al-mudaf wa al-mudaf ilayhi ala anwa'in donc elle a plusieurs sortes cette appartenance qui est entre le mudaf et le mudaf ilayh elle a plusieurs sortes c'est pas qu'une sorte la première c'est même at-tamlik la possession على تقدير لم تمام. La possession qui va être entendu, sous-entendu par quoi? Lam al jar, lam jmu, lam tamlik. Maintenant, lam tamlik, le lam de la possession, tamlik. Maintenant, l'exemple. Comme on a pu le voir. Hada kitabu Muhammadin. Hada kitabu Muhammadin, l'équivalent à quoi? Hada الكتاب لي محمد هذا الكتاب هذا كتاب محمد c'est équivalent à quoi هذا الكتاب لمحمد تمام vous avez compris شوف انظروا الان طب كمان. Donc on a dit « Al-Nisba bayna-huma bayna-al-mudaf wal-mudaf ilayhi » elle va avoir plusieurs sortes, plusieurs catégories. On a dit « Il y a une nisba entre les deux. » Il y a une appartenance entre le mudaf et le mudaf ilayhi. C'est quoi le fait qu'on... De quel point on s'est permis d'annexer entre les deux? Il y a une appartenance entre les deux. Cette appartenance-là, elle a plusieurs sortes. La première des sortes, c'est tamlik, la possession. Le fait qu'on a lié entre les deux noms, on l'a lié par, la, par le biais de la possession. Ça, c'est un, une appartenance parmi les appartenances. Et cette, cette appartenance-là, qui est la, la possession, elle se fait en sous-entendant le lam et tamlik. Lorsque tu dis Hada kitab ou Muhammadin, tu as fait une appartenance entre les deux. C'est quoi l'appartenance qui est entre les deux, avec lequel il est sous-entendu le hash al-jabr? C'est l'âme de la possession. Lorsque tu dis Hada kitab ou Muhammadin, lorsque tu le dis en arabe, c'est compris que là, tu es en train de dire que ce, cette personne-là elle possède un livre. Tu es en train de nous montrer que cette personne-là elle possède un livre. Tu démontres ce livre-là et tu dis ce livre-là, il appartient à Fulan qui est Mohammed. Donc il y a une appartenance entre les deux, c'est quoi? La possession. Cette possession-là, si jamais tu veux l'exprimer sans l'idrafa, le lem il va apparaître. Pourquoi? Parce que c'est lui, par ce biais-là, qu'on a compris qu'il y avait une possession entre les deux. T'as même? T'as même tout? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est quoi? Al-Ikhtisas. Le fait de particulariser une chose à autre. Donc là, ça va être la même chose. Bitaq dir, lam, on change le mot, al-irtisas. Maintenant, je dis, hada, babu, al-masjidi. هذا باب المسجد. كما كنا نسكر المسجد. باب المسجد. كما تقول هذا الباب للمسجد. Donc là, regardez. Sauf, on verra après tu écris. Donc l'appartenance, la deuxième appartenance qu'il peut avoir entre le mudaf et le mudaf ilayhi, c'est quoi? Al-Ikhtisas. Elle est le fait de spécifier, tamam, à ce nom-là, ces choses-là. Bitaqdir, pareil. Al-lam, la kin, c'est pas l'âme tamlik, c'est l'âme al-ikhtisas. Le lam pour particulariser une chose. Maintenant, tu dis hada, babu al-masjidi, ça c'est l'indafa. L'annexion qui a été faite entre les deux, c'est une qui a particularisé la porte à la mosquée. Cette porte-là, c'est pas la porte de la maison, c'est pas la porte de, du garage. C'est pas la porte d'une voiture, c'est une porte qui est bien particulière, qui est quoi? Celle de la mosquée. Le fait que tu as fait l'annexion entre les deux, ça montre une appartenance qui particularise que cette porte-là a fait partie de la mosquée. C'est la mosquée, c'est pas une autre chose. Donc là, c'est comme si tu disais « هذا الباب للمسجد ». C'est-à-dire que là, lorsque tu es venu à l'Idrafa, tu as fait quoi? T'as envie de recommencer, il aurait dû faire l'inverse. Ça va venir, ça. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est pas de « ahkam ». Comment il se finit kada kada. Là, on est en train de parler, Yannick, c'est quoi la nisba? L'appartenance qu'il peut avoir entre les deux. Ça va venir, l'arkam. En fait, la différence entre les deux. Voilà, parce que maintenant. Maintenant, pourquoi ils ont fait la différence entre les deux? Entre tamlik et l'irtisas. Malgré qu'entre les deux, il y a une appartenance, Yannick. Ils disent, Yannick, parce que maintenant, al-masjid, tu ne peux pas qualifier le masjid comme une chose qu'il possède. Parce qu'ils disent dans la chose pour qu'elle ait une possession, il faut qu'elle soit, on puisse la qualifier d'être alim. On peut la qualifier d'avoir de la science. Et le monsieur, tu ne peux pas le qualifier de la sorte. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que l'appartenance qui est entre les deux, c'est quoi? C'est tamlik, c'est la possession, tu peux pas. Parce que aslan le masjid, c'est pas une chose qu'on peut qualifier de science, d'avoir de la science. Tu vois? C'est pour ça qu'ils ont fait la différence entre les deux. Toute chose où il y a une idafa, où il y a une notion d'appartenance, ou bien que ça appartient à kada, tu vois, et que na'am, le mudaf ilayhi, c'est quelque chose qui peut pas te qualifier de science, tu peux pas dire que le lam qui est sous-entendu là, entre les deux, c'est lam tamlik. Pourquoi? Parce qu'il possède pas, c'est pas au différent de kitab Muhammad. Muhammad, c'est quelqu'un qui est pas qualifié par la science. Donc à partir du moment qu'il y a une appartenance où on veut dire qu'il y a une possession entre les deux, tu vas dire l'âme ou t'amener. Pourquoi? Parce que lui, on peut le qualifier de ça. J'ai compris la différence. Donc à l'écriture, c'est quoi que tu fais? Parce que comme on a dit, ça c'est une chose qui est sous-entendue. Là on parle des choses qui sont sous-entendues, c'est-à-dire qu'à l'écriture, ça se voit pas. Ça se voit pas, tu l'écris. Parce que là, lorsqu'on fait les drafas, là c'est pour te montrer que si jamais tu peux parler d'enfant, la chose qui est sous-entendue, c'est ça, tac tac, qui sort. Mais là, nous, on est dans ce bébé-là, là, ici, les drafas. Est-ce que tu le vois, le sous-entendu? Est-ce qu'il est l'appartenance à les montrer là, à l'écriture? Allié pas, tu vois. Mais lorsqu'ils ont dit sous-entendu, c'est que allié dans le sens, mais pas oralement. Si jamais tu le laisses oralement, paf. Tu dois mettre l'île. La boute, parce que c'est ça qui nous a donné la notion d'appartenance, la notion de possession et la notion de comment ça s'appelle, pour spécifier. Mais tu peux le mettre pour les deux, Sani. Pour l'alim et pour le. Non. Ouais, mais justement, là, attends. Ouais. Mais sauf qu'après, toi, il faut que tu fasses, que lorsque tu. Mathélène, tu vas lui dire cette lame-là, là, qui est entre les deux, tu vois, que ce soit pour ici ou pour ici. Lorsqu'on va te demander c'est quoi sa définition, tu peux pas dire Mathélène pour celui-là que c'est quoi? Lame tamlik. Pourquoi? Parce qu'ils disent At-Tamlik, nous, Aindana al-Arab, c'est pour celui qui est possible qu'on puisse le qualifier de science. Est-ce que le masjid, tu peux le qualifier de science? De quoi? Est-ce que le masjid, la mosquée, tu peux pas. Donc ils disent, tu peux pas dire c'est Tamlik. Parce que celui qui possède, c'est celui qu'on peut qualifier de quelqu'un qui a une raison, qui a une science. En fait, c'est la même chose. Sinon, il y a la même chose. La faïda, c'est dans la définition. Chauffe. La différence, elle est dans quoi? Dans la définition. Tu vois? Sinon, les deux, c'est un même lame. Ouais, voilà. Qui va montrer, mais c'est en définition. C'est-à-dire, les Arabes, eux, lorsqu'ils vont dire, est-ce que tu peux me définir ce mot, ce harf jar, comment il s'appelle? Tu vas pas dire les deux, pour les deux, c'est la mutamlik. Tu comprends? Parce que là, tu peux le dire, pourquoi? Parce que Mohammed, on peut qualifier de science. Quelqu'un qui peut posséder, tu vois. Amel Masjid, est-ce qu'il a le caractère de pouvoir posséder? Il l'a pas. Il possède pas. On voit pas, tu vois. On va voir. C'est la définition. Voilà. Lorsque moi je vais te dire, je vais te faire les Arabes, je vais dire Hada kitabu Muhammadin. Je vais dire Hada ishara. Kitabu mudaf. Muhammadin mudafun ilayhi. Nous on sait qu'il y a une lettre qui est un harf jar qui est sous-entendu. Je vais te dire c'est quoi le harf jar qui est sous-entendu. Tu vas me dire c'est l'âme. Je vais dire le l'âme c'est quoi sa définition. Si tu me dis l'âme intersé, je vais dire. Si tu me dis l'âme al-assismu al-tamlik, je vais dire n'am. Si jamais tu me dis l'autre, je te dis, Hada, Naham, Barthlofik, Bab ou Mestid. Hada, Ithm, Ishara. Hada, ce sont Al-Bab, Mudaf. Wathani, Mudaf ou Elehi. Akulak, Mawal, Ithm, Takdir, ou Mawal, Harf, Al-Mukaddar, Bainahoman. C'est quoi le sort? Le harf qui est sous-entendu entre les deux, tu vas me dire l'âme. Je vais dire, c'est quoi sa définition, l'âme là? Tu vas pas me dire l'âme, Tamlik. Pourquoi? Parce que, Al-Mestid, Yani, là, Yusuf, bi Al-Malki. J'aime toi? Ensuite, Ta'esh, Al-Bayaniya. Al-Bayani. On va regarder pour comprendre. Si vous écrivez. Donc on disait, on est la quatrième. On peut voir là. Non, la troisième. Troisième appartenance qu'il peut avoir entre les deux, c'est Al-Bayaniya. Pour démontrer le genre. Le genre de cette chose qu'il y a dont l'appartenance, dont l'annexion, elle a été faite entre les deux. Tu peux la faire, ou plutôt la nisba, l'appartenance qu'il peut avoir entre les deux, c'est que le fait qu'elle est en train de montrer le genre. Le genre qu'il y a entre les deux. مثلاً لا قلت لي هذا خاتم من ذهب سيدفاك أليد خاتم هذا خاتم من ذهب تدخل نمونتري كي سيت باك لا يعني علي دور علي فيت دور تمام هذا خاتم من ذهب lorsque tu fais l'idafa le min il va être sous-entendu donc il va sauter c'est-à-dire qu'il va pas être prononcé oralement mais la ma'na elle est dedans tu vas dire هذا خاتم ذهب خاتم Zahabin. Cette bague est d'or. C'est quoi l'appartenance qui est entre les deux? C'est Yanni, t'as montré le genre de cette bague-là. Qu'est-ce que c'est que ce genre-là? C'est un dollar, ça peut être de l'argent, ça peut être kada kada. Donc quand le Messie il tamis walou khatama zahabin, parce que la personne est venue pour se marier avec une autre, elle n'avait pas de date, elle n'avait pas de ramener de date. Walou khatama zahabin. Il dit le Messie cherche une chose hadid, c'est pas zahabin. C'est hadid. Zahabin, c'est hadid, hadid. Khatama hadid. Khatama, dans le hadith, il tamis walou khatama hadid. Il dit même khatama. Non, on va le voir. C'est pas toute chose qui est une fin fatha qui va venir. Naam, il a dit cherche, ne serait-ce que une bague qui signifie à l'enfer, un anneau enfer. Donc là, c'est la même chose que l'autre, sauf que lorsque tu vas dire مثلا هذا خاتم ذهب, l'appartenance entre les deux, c'est pas la possession. C'est ni كذلك, tu spécifies, mais c'est en train de montrer le genre de cette chose-là. Comme le genre de la bague, là, tu es en train de montrer son genre, c'est de l'or. Comme toi, tu bayines, tu es en train de montrer. Donc c'est pas la même chose. Là, le harf qui est sous-entendu, c'est pas ila, c'est pas li. Le harf qui est sous-entendu, c'est min. Parce que pourquoi je fais ça? Parce que les gens, dès qu'ils rentrent dans cette leçon, idafa, ils disent c'est la possession des barfa. C'est faux. Ce qui dit l'idafa, c'est la possession, tu vois? Ou bien mettre une possession entre les deux mots, c'est faux. C'est pas forcément, tu vois? C'est pour ça que moi je vous dis ça. Même si jamais al bayani, c'est tu pro. Mais comment on avait dit min al bayan? Min, c'est dedans. Non, c'est pas dedans, c'est fille. On avait dit, mais lorsqu'on a dit Barjanjiko, mais Aina Anta. Non, pas forcément, c'est pas dedans. Comme on avait dit, la Hama'ani. On a dit, il y avait plusieurs sens. Parmi ces sens, on avait quoi? Mais lorsque tu dis, Min Aina Anta. Est-ce que le Min qui est utilisé là, c'est le même Min que lorsque tu dis, Zahabtu Min al-Masjid ila al-Haram. Ou comme il y a Subhanahu wa Ta'ala, Yani, Asara bi'abadihi, Min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Est-ce que le min qui est employé ici, c'est le même min lorsque tu dis min aina anta? C'est pas la même chose. Lorsque tu dis min, il ne faut pas dire d'où et de. Ça enlève ça de ta tête. Directement. Si tu vas comprendre l'arabe avec le français, tu vas t'emmener les pinceaux. Là, comprends que là, qu'est-ce qui est voulu, il faut comprendre le sens. Il ne faut pas définir les choses par les mots. Comprendre le sens. Si tu as compris le sens, exprime-le en français. Ça. Mais Amma, si jamais tu veux faire comprendre des choses avec les mots en français, baisse, tu vois. Voilà, tu peux pas, tu vois. Là, lorsqu'il dit min aina anta, là tu demandes quoi? La provenance. Tu vois? Min aina anta, c'est quoi ta provenance? C'est quoi ta naam, ta nationalité? C'est que tu demandes le genre de cette personne-là, tu vois. Il va dire, je suis du Japon, je suis du kada, kada, kada. Lorsque tu dis dhabtu min makan kada ila makan kada, c'est que ton départ, il a commencé. Ibtidai. Il a commencé d'ici pour se finir là-bas. Donc quand tu veux exprimer une chose, tu débutes d'un endroit pour finir à l'autre, tu vas utiliser min. Pour finir, tu vas utiliser ila. Donc on avait dit, une min, il a plusieurs sens. Parmi ces sens-là, al-bayaniya. Et c'est un des sens qui est le plus employé. Al-bayaniya, c'est exprimer le genre qu'il y a, ou d'une chose, ou bien qu'il peut avoir entre deux choses, comme c'est le cas dans l'idaf. Hada khatamu zahabin. C'est comme tu dis, hada khatamun min zahabin. Qui est du genre or. Donc c'est pas forcément que toute idafa, le harf qui est sous-entendu entre les deux, c'est la possession. Ça c'est faux. Nous c'est ce qu'on avait appris. Il nous dit al-idafa, c'est lorsqu'il y a une possession entre les deux. Ça c'est vrai. Comme on peut le voir. Est-ce qu'il y a une possession entre les deux? Là. Hatta, tu viens avec le lam ici là. Et tu dis est-ce qu'il y a une possession entre les deux? Il a dit ah. Le messie qui possède pas. Il va dire qu'il possède. Fahim Tomahada. Donc là, il y a le lam. Il y a encore une nisba. Il y en a une autre, mais celle-là je vais la laisser pour vous parce que c'est marrant. Ça va fermer. C'est pour ça que j'ai dit quoi? Ala anwa. Remarquez bien, j'ai pas dit normalement ils sont ala arba'ati anwa. Mais là j'ai dit ala anwa. Il y a plusieurs. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a vu, ça se finit, ça se limite à ça. Il y a d'autres choses, Inch'Allah. Al-Ain. On prend. Allez. Shoya ou Shoya. Donc la dernière, on va le voir parce que c'est celle qui revient le plus souvent. Là, je me suis contenté de mettre celle qui revient le plus souvent. Il en restera une, Inch'Allah, que vous verrez dans Elfia. Inch'Allah. Dans quoi? Dans Elfia. Elfia Ibn Malik. Ah. C'est pas loin. Hein. C'est pas loin. Ah. Faut jamais se dire c'est loin. Ah ouais, non, mais ah. C'est comme dans le Coran. Non, tu dis, bon, il va dire combien de temps tu peux pour apprendre le Coran? Tu vas dire, bon, moi j'ai mis 4 ans. Ah, c'est temps. Tu te rends des côtés. Non, fais. Le jour t'as fini, t'as fini. Le jour t'as fini, le truc, c'est quoi? Faut avoir de la constance. Ça, non. et de la constance dans ton talab al-ilm, tamam. Amma, tu te mets des limites, mais c'est bien aussi de mettre des limites si jamais toi, maintenant, tu es quelqu'un qui est assidu à tes engagements, tu vois. Tu dis, bon, vas-y, 2 ans, je me laisse. Et je fais, tu vois. Tamam, jamais tu te mets. Mais si c'est pour ensuite te rabaisser le moral, tu n'as pas de limite. Tamam. Adarfiya, tamam. Adarfiya, tu peux avoir maintenant l'appartenance qui doit se commencer. Le harf qui peut être sous-entendu, ça peut être aussi fi. Entre eux, mundaf et mundafinehi. Ce fi qui est sous-entendu, il va apporter quel sens ? Il y a le sens de na'am barakallahu fikoum, adarfiya, c'est-à-dire le lieu ou bien le temps. Le lieu ou le temps. Maintenant, lorsque tu dis qiyamun fil layl, qiyamun fil layl, c'est dans quel temps, à quel moment ? C'est la nuit. Donc ça, fi, on l'a utilisé, pourquoi ? Parce qu'on veut exprimer un moment qui est la nuit. Qiyamun fil layl. Si jamais tu veux faire idafa baynahuma, c'est-à-dire que tu vas faire quoi ? Tu vas sous-entendre le fi qui est entre les deux. Tu vas l'enlever à l'écrit, mais le sens il va rester. Et après, comment ça se passe avec tous les lèvres là ? Donc, non, ça va, c'est pas compliqué. Non. Toi, il faut que tu te mettes dans ta tête que l'idafa, c'est quoi ? S'il y a une nisba, il y a une appartenance entre les deux. Ouais. On se pose ces deux mots-là. Avec un harf jar qui est sous-entendu. Ce harf jar qui est sous-entendu, il peut être yani, de 4, on va dire. Pour le moment, il y en a 4. On a vu, jusque-là, il y en a 4. On peut voir jusque-là, il y en a 4. Ou plutôt 3. C'est-à-dire le lam, min et fi. Le lam, il peut avoir 2 sens. Le fi, il a un sens et le min, dans les cas, il a un sens. Il nous dit, c'est l'appartenance qui est entre 2 mots. Ala taqdir harf al-jar. Avec un, où il y a un sous-entendu qui est fait, qui est entre ces 2 mots-là. Comme on a pu le voir, soit le lam, soit min, soit fi. Chacun, il apporte un sens. Le lam, c'est tamlik, al-irtisas. Min, c'est le bayaniya, montrer un genre. Le fi, c'est pour te montrer soit un lieu, ou soit un temps. Qiyamun fil layl. Si tu veux mettre al-idafa, ça veut dire sous-entendre le fi, tu veux dire qiyamun layl. La prière de nuit. Je vais tester vos compréhensions. Après moi, c'est quoi ? C'est les terminaisons que. Inch'Allah, nous, on va prendre le nisba aujourd'hui. Ça, c'est déjà bien. Je vais tester votre compréhension. Si je dis qiyamun layl, tamam, shi'ar al-mu'minin. Donc le fait de prier la nuit, c'est l'emblème des croyants. Tamam, comme qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan min al-layl ma yahjuruna fi al-ashar yastaghfirun. Tamam. Là, si je te dis là, c'est on va plus se pencher sur ça là. Shi'ar al-mu'minin, parce que ça on l'a vu. Là, on est dans l'isba. Si je vous dis shi'aru, qui est emblème, tamam, al-mu'minin. Si je te demande, c'est quoi la nisba qui est entre mu'min et shi'ar ? Qu'est-ce que tu me réponds ? Li. Toi aussi ? Attends, ça peut dire avoir un khilaf. Les soucieux, ils font ses sourcils, ils vont nous sortir un truc. C'est pas forcément qu'ils ont raison. Possible la majorité. Attention. Wa in tuti' akthara min fil ard yudilluka an sabilillah. Wa qalilun min ibadi yashkur. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Attention. Donc peu de serviteurs pour avoir raison. Donc la khilaf bayna al ulama. Vous avez dit c'est le lam. Mais attendez, lui il a dit c'est le bayyina contre les deux. Tamam. Vous m'avez dit c'est le lam. C'est quel lam tamlik, lam l'ihtisas, c'est lam tamlik. Tamlik parce que c'est appartenance avec des croyants. Donc ça veut dire que là on est en train de parler quoi là ? C'est quoi qui est shi'ar ? C'est le qiyam. C'est quoi qui est leur emblème ? Le fait qu'ils prient la nuit. C'est-à-dire que ça leur appartient. Ils possèdent la nuit, c'est une chose qu'ils appartiennent. Non, c'est shi'ar. Non, shi'ar, l'an. Le shi'ar. Mais qu'est-ce qui est voulu ici là ? Quand je dis qiyam al-layl, tu vois, qiyam al-layl, qiyam al-layl, shi'ar al-mu'minin. Ce shi'ar là, il est en rapport avec celui-là. C'est quoi leur emblème ? C'est le fait de prier la nuit. C'est pas juste l'emblème. C'est le fait de prier la nuit, c'est le. C'est qiyam al-layl qui est le shi'ar. Non, c'est pas de layl. Non, c'est le qiyam al-layl. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Ça veut dire que tu m'as dit la nisba entre les deux, c'est la possession. C'est ce que tu m'as dit. C'est pas la. Donc ça veut dire que Les mu'mines, ils possèdent la, le prière de l'île. Le prière de la nuit, ils la possèdent? Non. Non. Et c'est les mines? Moi, je pense que c'est la... C'est l'irtisas. Il y en a ici une chose qui leur particulier. Ça, Hamna. L'irtisas. C'est comme si tu disais... Qiyamun lay shi'arun lil mu'minin. C'est une, un emblème, c'est une devise qui est propre, qui est spécifique, qui est particulière aux croyants. Ça, Hamna. Ça, Amla, regarde pas comme ça. Tu dis oui ou non, comme ça. Hein? Le Bayani, là, tu n'es pas en train de montrer un genre. Non. Tu es en train de dire que ça, c'est un genre de mu'min. C'est un truc qui est. Lorsque tu dis Khatam al-Dahab, c'est un truc qui est. La bague en or, l'or, il est dans le. Comment ça s'appelle? Dans la bague. Donc comme j'ai dit aux frères, là, ici, là, c'est l'âme. Donc aucun de vos trois a raison. Vous étiez plus proche, parce que vous avez mis l'âme. Mais vous avez mis le mauvais sens du l'âme. Parce que vous avez mis le l'âme qui définit la possession. En gros, vous êtes en train de me dire que la prière de nuit, elle appartient au mu'min. Donc c'est mukhtas lahu. C'est une chose qui est là, et particulière, qui est spécifique à cette frère. Donc, comme ils disent, toi, ne te précipite pas. Comment tu peux faire l'arab d'une chose? C'est que tu comprends où est la chose. Si jamais, Masalem, tu as compris, tu as le choix entre ces quatre-là. Tu vas regarder, tu vas dire, Zarfiyya, c'est pas mu'min, c'est pas un endroit, yani, tu peux qualifier ça par endroit. Al-Bayaniya, il n'est pas partie intégrante du mu'min. Il reste plus que les deux. Est-ce qu'il peut posséder la nuit? Prière de la nuit, non. Donc il reste plus que les deux. Non. Vous croyez que moi tu parlais de l'emblème, l'annexion de l'emblème? T'as raison. On a eu raison à moitié. Ben voilà, à moitié. C'est peut-être toi qui nous a mal compris. Non. Je pensais que déjà à la place de l'emblème, l'emblème. Non, parce que ouais, c'est pour ça que j'ai remis la phrase avant. Tu vois, maintenant, on reteste encore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mais c'est quoi le khilaf là? T'as dit un khilaf entre les ulama? Ouais, c'est entre vous. Ah, c'est nous les ulama? Ah ouais. Bon, toi, t'as le droit de prendre une petite pause. C'est pas interdit. Respire un petit peu. Bois de l'eau, comme on dit. Ah, tu veux faire la maille. Vas-y, retourne-toi. On va dire. Laisse-moi vérifier. Non, vous. Ils sont chauds. Faut que je mette un piège, tu vois. Hein? Sinon, je peux mettre des jambes tout bas, tu vois. Maintenant, si je veux dire Baytullah. Hada Baytullah. Eh ouais. Tous d'accord? Hada Baytullah. Comprends. Avant de regarder là, comprendre ce que. Ouais, non, mais je regarde la tête, mais la mosquée, elle appartient à quoi? Ah bon? Ben non, elle appartient. Bah ouais, ça fait partie de son royaume. Mais c'est, le sens, c'est le sens voulu. Baytullah, mais ça ne veut pas dire que c'est le truc appartient. Parce que là, c'est l'appartenance. Non, mais ça fait partie de son royaume. Moi, je dirais, c'est la maison. Chacun, il choisit son avis. Après, on a un cache. On débat. Moi, je m'en vais dans le lème. Ah, non, attends, le lem, c'est pas n'importe quel lem. Lem, tu dis lem, t'aimes-les ou lem, il y a que lem, il y a que lem. Allez, capitaine, c'est bien. C'est pareil. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Fatwa. Il dit Irtisas. Et toi? Irtisas. Et toi? Lem, t'aimes-les. Ok. Irtisas, t'aimes-les. Alors. Moi, je suis sûr que ça lui appartient. Voilà, humain, fils, samawati, ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Comment ça? Ses positions. Tout ce qui est en dehors d'Allah, Azzawajal. Non, non, t'as dit la verte, ça, c'est Allah. C'est pas une. C'est pas. Béta, Yarta, Soubéla, c'est pas. Il n'est pas spécifié à Allah, Azzawajal. Il appartient à Allah, Azzawajal. Comme tu dis, Hada, Beytouma. Ouais, non, le message de Dayani, ça appartient à Allah, Azzawajal. Lillah, Lillah, répète-le 10 fois. Il est pas d'accord. C'est bon? مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.